Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je veux parler de l'aide entre enfants de Dieu. La Bible dit, lorsque tu fais ton aumône, ne sonne pas de la trompette. Parce que si tu sonnes de la trompette, tu n'auras plus de récompense de la part du Seigneur. Mon frère, ma soeur, si tu m'as donné un verre d'eau, est-ce que tu es obligé de le raconter à tout le monde? La Bible dit, ce que ta main gauche fait, la main droite ne doit pas être au courant. Si tu as donné à ton frère, si tu as donné à ta soeur un verre de coca, mais tu n'es pas obligé de raconter à tout le monde que la soeur telle, je l'ai dépanné hier. La soeur telle, je lui ai donné de l'argent. Si nous voulons que notre action, que nos œuvres soient agréables à Dieu, nous devons agir, marcher selon les Écritures. Que ce que la main gauche fait, la main droite ne doit pas être au courant. C'est Dieu qui le dit. Même si tu es marié, tu n'es pas obligé d'aller dire à ton mari, j'ai vu le frère tel au marché hier. Il était dans la galère, je lui ai donné une somme d'argent parce qu'il n'avait rien à manger. Tu n'es pas obligé d'aller raconter. Faisons la volonté de Dieu, ne cherchons pas à plaire aux hommes. Ne soyons pas comme des païens, parce qu'un païen te trouve dans la galère, il te dépanne. Une fois que tu tournes le dos, il le raconte à tout le monde. Tout le monde est au courant qu'il t'a dépanné. Tout le monde est au courant que c'est lui qui t'a fait les courses. Tout le monde est au courant que la chemise que tu portes là, c'est lui qui t'avait acheté cette chemise-là. Mais nous, nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous dit, quand tu donnes quelque chose à ton frère, ne sonne pas de la trompette. Sonner de la trompette, c'est raconter ça aux gens. Parce que quand tu le fais, tu n'auras pas de récompense. Tu n'auras pas de récompense de la part de Dieu. Parce que tu veux te faire voir. Tu veux qu'on sache que tu es quelqu'un de bien, tu distribues. Non. Mais Dieu te dit non. La Bible dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est Dieu qui voit dans le secret. Dieu a vu ce que tu as fait. C'est lui qui te le rendra. Mais à une condition, que tu ne sonnes pas de la trompette. Parce que si tu racontes ça à tout le monde, Dieu ne te le rendra plus. Il faut que tu fermes ta bouche. Si nous voulons avoir des bénédictions de la part de Dieu, nous devons agir selon les voies du Seigneur. Parce que si tu me, même si tu me donnes 1 milliard, mais si tu racontes ça à tout le quartier, si tout le monde est au courant que la voiture que j'ai là, c'est toi qui me l'as achetée, mais tu n'auras plus de récompense de la part de Dieu. Tu n'auras plus. Mais si tu me donnes 1 milliard, tu ne racontes à personne. Dieu qui voit dans le secret te le rendra. C'est ce que la Bible dit. Oh, le problème chez nous aujourd'hui, tu viens chez moi, on mange, à peine tu traverses la porte, que je prends mon portable, oui, le frère tel était là, il vient de partir. Oh là là, il vient ici tous les jours, hein. Il n'arrête pas de venir manger ici. Mais c'est ce que nous faisons. Mais Dieu est triste lorsqu'il voit ça. Quand tu fais du bien, la Bible dit, si tu vois ton frère dans le besoin, agis. Tu es à l'église. Et puis vous avez un truc aujourd'hui dans les églises. Tout le monde veut inviter chez lui, manger chez lui, que les hommes de Dieu. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Le bien-aimé qui est à l'église là, qui n'est pas pasteur, si tu l'invites manger chez toi, mais tu auras la même bénédiction que si tu as fait venir Billy Graham chez toi ou Yongi Cho. C'est pareil. Parce que la seule personne qui est au-dessus de tous les enfants de Dieu s'appelle Christ Jésus. Il est le premier. Nous tous, tous les hommes sont sauvés par grâce. Tous les hommes sont sauvés par grâce. C'est Jésus qui a payé la facture. C'est Jésus qui a réglé le problème de nos iniquités. Et nous sommes devenus enfants de Dieu grâce à son sang. C'est une grâce. Personne n'est enfant de Dieu sur la base du mérite. Personne. Personne n'est enfant de Dieu parce qu'il le mérite. On était tous des pécheurs. C'est une grâce qui nous a été accordée. Donc, si tu donnes un verre d'eau à un frère en Christ, à ta sœur, ne va pas raconter. Si tu veux être béni par Dieu, fais du bien. Quand tu vois ton frère, vous êtes à l'église, tu regardes comme ça, oh là là, ça fait longtemps que je vois le bien-aimé avec la même chemise. Ça fait quand même longtemps que la sœur vient à l'église toujours la même chaussure. Bien-aimé, va voir ton frère ou ta sœur à deux. Bien-aimé, donne une petite enveloppe. Bien-aimé, prends ça. Ça s'arrête là entre toi et lui. Tu ne racontes à personne. C'est à cette condition que Dieu va te bénir. Mais si tu commets l'erreur qu'à peine tu lui as acheté la paire de chaussures, tu commences déjà à raconter, mais tu n'auras aucune bénédiction. Et tu vas entendre ce que les gens disent. Qu'est-ce que les gens disent? Oh, moi je fais du bien aux gens. Parce que les gens ne sont pas reconnaissants. Ils sont pas... Tu fais tout ce que tu fais. Ils ne reconnaissent pas le bien. Donc ça ne sert à rien de continuer à faire le bien. Mais oui, quelle récompense peux-tu obtenir puisque tu racontes tout ce que tu fais? Tu le racontes à tout le monde. Dieu a promis bénir celui qui ne dit rien. C'est pourquoi il a dit, ce que la main gauche fait, la main droite ne doit pas le savoir. Quand tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette. Tu n'es pas obligé de sonner. Tout le monde n'est pas obligé de savoir tout ce que tu as fait pour le Seigneur. Tu l'as fait pour Dieu, Seigneur Jésus. Bon, ce frère est dans le besoin. Je lui donne une petite enveloppe. On est à deux. Tu ne lui donnes pas l'enveloppe devant les gens. Ça ne sert à rien. Vous êtes en groupe. C'est là où tu sors ton argent pour lui donner. Ça ne marche pas. Tu ne lui donnes pas devant les gens. Parce que la Bible dit ce que la main gauche fait, la main droite ne doit pas le savoir. Donc, si vous êtes en groupe, vous êtes peut-être en voiture, vous êtes peut-être ensemble, cherche à le voir à deux. Parce qu'il faut que Dieu seul soit témoin. Il faut que Dieu seul soit témoin de ce que tu lui fais. Dieu seul doit voir ce que tu lui fais, personne d'autre. Et après, tu lui dis, bien aimé, je ne dirai à personne, quant à toi, ne raconte à personne. Dieu seul qui a été témoin de ce que tu as fait, te le rendra. C'est ce que la Bible dit. Mais si tu sors là, tu racontes, ça ne va pas aller. Tu n'auras rien. Dieu ne va pas bénir. Même si ce que tu as fait est bien, mais Dieu ne va pas bénir parce que tu ne le fais pas selon les normes. Tu ne respectes pas la parole. C'est ça le problème aujourd'hui dans les églises. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que certains frères aujourd'hui, des sœurs, tu lui donnes un petit... Il refuse parce qu'il sait que tu vas raconter. Tu lui dis, bien aimé, tiens ça. Il dit, non, bien aimé, merci, je ne prends pas. Mais il a raison parce qu'il sait que toi, s'il prend, tout le monde sera au courant. Tout le monde sera au courant à l'église ou bien les gens seront au courant au quartier. Parce que tu parles trop. Une fois que tu donnes un bonbon à quelqu'un, tout le monde est au courant. Si tu es comme ça, Dieu ne peut pas te bénir. Et petit à petit, les gens vont commencer à refuser tout ce que tu peux leur proposer. Donc, si nous voulons être bénis par Dieu, marchons dans les voies du Seigneur. Accomplissons la volonté de Dieu. Tu n'es pas obligé de donner qu'au pasteur, aux yeux de Dieu. Le dernier là de l'église, qui balait l'église, a le même prix aux yeux de Dieu que le pasteur. Au même prix. Le pasteur, aux yeux de Dieu, n'est pas plus grand que le bien-aimé qui est assis derrière là-bas, qui balait la salle. Aux yeux de Dieu, même pied d'égalité. Donc, que tu donnes ton repas au pasteur, que tu donnes ton repas au bien-aimé là qui balait qui est pauvre là-bas, aux yeux de Dieu, c'est pareil. Mais nous, les hommes, on croit que si on donne au pasteur, Dieu va me bénir parce que j'ai donné au pasteur. Non! L'enveloppe que tu donnes au pasteur ou l'enveloppe que tu donnes à un bien-aimé simple de l'église, aux yeux de Dieu, c'est pareil. En Dieu, il n'y a point de favoritisme. En Dieu, il n'y a pas de, comme tu as donné au pasteur, la bénédiction que j'envoie sur toi sera grande. Et si tu donnes à un simple chrétien de l'assemblée, ta bénédiction sera petite. Ça, c'est pas Dieu, ça. La bénédiction est la même. Parce que nous avons tous été sauvés gratuitement. Personne n'est en Christ parce qu'il était meilleur que l'autre. C'est par grâce que nous sommes enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons agir, marcher selon Dieu. Parce que quand Dieu bénit, Dieu ne va pas te bénir parce que tu as donné 1000 euros à ton pasteur et tu as donné. Donc la bénédiction sera grande parce que c'est au pasteur que tu as donné, alors que si tu donnes une simple personne de l'assemblée, la bénédiction ne sera pas grande. Ça, c'est des raisonnements d'hommes. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Dieu a dit, si tu vois ton frère dans le besoin, agis. Le pasteur, c'est ton frère. La femme qui chante à la chorale, c'est ta sœur. L'homme qui est dans l'assemblée, c'est ton frère. Ce sont des enfants de Dieu. Dieu n'est pas comme un homme. Dieu n'a pas certains enfants de préférence, d'autres enfants, il n'aime pas. Dieu c'est pas comme ça. Dieu c'est pas comme nous. Tu as trois enfants, il y a certains que tu aimes mieux, meilleur que. Non, ça c'est pas Dieu ça. Ça c'est pas Dieu, ça c'est les hommes pensent comme ça, c'est des hommes ça. Dieu, quand il nous regarde, il nous voit tous au même pied d'égalité, sauvés par le sang de son Fils. Et c'est sur cette base-là qu'il traite avec chacun de nous. Donc, tu donnes ton enveloppe au pasteur, que tu le donnes à une simple brebis, un simple chrétien de l'assemblée, aux yeux de Dieu, c'est pareil. La bénédiction sera pareille que tu donnes au pasteur ou quelqu'un d'autre de l'assemblée. C'est la même bénédiction parce que tu as donné à un enfant de Dieu. Dieu t'a dit, si tu vois ton frère, ta soeur dans le besoin, agis. Donc, tu n'as pas agi parce qu'il est pasteur, tu as agi parce que c'est ton frère, il est dans le besoin. Et comme tu as agi sur cette base-là, Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Je voudrais terminer en vous disant que si vous avez l'habitude que si vous donnez un petit truc à quelqu'un, vous racontez à tout le monde, ne soyez pas étonnés si vous ne voyez pas la bénédiction de Dieu dans votre vie. La bénédiction de Dieu ne peut venir que si et seulement si c'est Dieu seul qui est témoin. C'est lui seul qui voit dans le secret ce que tu as fait. Donc, quand tu fais du bien à ton frère, à ta sœur en Christ, il faut que Dieu seul soit témoin. Ne le fais pas le bien devant tout le monde pour être vu. Pour qu'on dise, oh, le frère tel, vraiment, il est gentil. On a vu comment il a donné l'argent à tout. Non, ne cherche pas ça. Ne cherche pas les éloges des hommes. Ne cherche pas ça. Donc, si tu as quelque chose à donner à ton frère et que vous êtes nombreux, cherche à le voir à deux. Parce qu'il n'y a que Dieu qui doit être témoin de ce que tu fais. Et la Bible dit, ton père qui voit dans le secret te le rendra. C'est ce que la Bible dit. Donc, nous devons, si nous voulons la bénédiction de Dieu, nous devons marcher selon les normes. Nous devons marcher selon ce que Dieu a dit. C'est alors que la bénédiction viendra. Parce que si tu ne fais pas ça, tu peux distribuer tous tes biens à qui tu veux. Tant que tu racontes de gauche à droite ce que tu as fait, tu n'auras aucune bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu te bénisse.